Radiomatique. We'll be right back. amorcer la transmission 5-6-4 d'Audiomatic. Les sonoristes ont choisi de vous présenter le groupe anglais Waldo's Gift. De sa parution, Radiohead Reworks, sorti en 2023, qui comprend des réinterprétations de deux chansons de Radiohead, nous entendions leur version de « Everything in its right place ». Et maintenant, c'est au tour du duo anglais Underworld d'assurer la continuité à Audiomatic. Thank you.

Nous avions droit à Audiomatique, au duo anglais Underworld, du simple pour la pièce Dinosaur Adventure 3D, extraite de l'album de 2002 A Hundred Days Off, nous entendions la pièce Ansem. En conclusion de cette transmission 5-6-4 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre la formation américaine Swans de son 14e album The Glowing Man, lancé en 2016. Nous en entendrons la pièce-titre. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomaticcfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Swans avec la pièce The Glowing Man. C'était Audiomatique avec les sonoristes.